Ceci est un audio généré issu de l'article Le piège des graines, pourquoi des agriculteurs ne peuvent plus simplement ressemer leurs récoltes, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Le piège des graines, pourquoi des agriculteurs ne peuvent plus simplement ressemer leurs récoltes. On croit souvent qu'un agriculteur peut garder une partie de sa récolte, la ressemer l'année suivante, et continuer ainsi comme ses parents l'ont fait depuis toujours. Pourtant, la réalité s'est compliquée ces dernières années. Entre semences protégées, COV, certificats d'obtention végétale, variétés hybrides et règles de commercialisation, certains producteurs se retrouvent pris dans un système dont ils sortent difficilement. Et derrière cette mécanique technique, ce sont aussi les consommateurs qui risquent de subir les effets d'une agriculture plus standardisée, plus dépendante et parfois moins saine dans ses logiques de production. Pour bien comprendre ce sujet sans se perdre dans le jargon, il faut d'abord remonter à l'histoire des semences, regarder ce que disent vraiment les textes officiels, puis observer le piège économique qui se referme doucement mais sûrement sur une partie du monde agricole. Pourquoi cette question choque autant ? La question semble presque absurde au premier abord. Une graine donne une plante. La plante donne une récolte pleine de nouvelles graines. Sur le papier, le cycle naturel paraît simple, logique, éternel. Pourtant, ce cycle se heurte aujourd'hui à un cadre juridique et économique bien plus serré qu'on ne l'imagine. Le ministère français de l'Agriculture l'explique clairement, un agriculteur peut réutiliser ses semences de ferme, c'est-à-dire les graines qu'il a lui-même produites, mais seulement sous certaines conditions strictes. Ce n'est donc pas un « oui » total et sans limite, ni un « non » absolu et définitif. C'est cette zone grise, justement, qui crée l'incompréhension, la colère, et parfois un sentiment d'impuissance face à un système qui semble avoir oublié le bon sens paysan. En réalité, la plupart des producteurs découvrent souvent trop tard que toutes les graines ne se valent pas du tout. Certaines variétés ne sont plus protégées et restent libres d'usage. D'autres restent soumises à un COV, le certificat d'obtention végétale qui protège le travail de création de la variété. D'autres encore s'inscrivent dans des logiques industrielles où l'achat annuel de semences neuves devient pratiquement la norme, année après année. Quand un agriculteur achète une semence protégée, il n'achète pas juste un petit grain. Il entre dans une chaîne complète avec ses propres règles, ses propres coûts récurrents, et parfois une dépendance qui revient tous les ans. Il ne contrôle plus totalement ce qu'il replante. Il dépend d'un cadre juridique et économique qui lui échappe en grande partie. C'est là que le sujet cesse d'être purement technique pour devenir profondément humain, économique et même politique. Ce que dit vraiment la loi française. Partons d'un point clair et concret, en France, un agriculteur peut dans certains cas précis réutiliser des graines issues directement de sa propre récolte. Le texte officiel le prévoit. Mais ce droit n'est absolument pas universel. Il dépend du statut juridique exact de chaque variété cultivée. Si la variété n'est pas protégée juridiquement, ou si sa protection a expiré depuis longtemps, alors l'usage reste libre. L'agriculteur peut conserver, ressemer, sans problème particulier. Par contre, si la variété fait l'objet d'un COV, certificat d'obtention végétale, alors la réutilisation reste théoriquement possible, mais avec une condition importante, l'agriculteur doit verser une rétribution à l'obtenteur. L'obtenteur, c'est-à-dire la personne ou l'entreprise qui a créé et sélectionné cette variété. Ce détail figure dans le Code de la propriété intellectuelle, ainsi que dans la loi du 8 décembre 2011 qui encadre précisément ces semences de ferme. Ensuite, la situation se complique rapidement. La loi française ne traite plus la semence comme un simple bien agricole qu'on sélectionne et qu'on replante. Elle la relie directement à la propriété intellectuelle, à la recherche variétale et aux années d'investissement nécessaires pour créer une nouvelle variété performante. Le ministère de l'Agriculture défend ce système en rappelant qu'il faut souvent 10 à 15 ans de recherche pour obtenir une nouvelle variété résistante, productive, adaptée au climat ou aux maladies. L'obtenteur doit donc être rémunéré pour son travail, comme n'importe quel innovateur. Sur le principe, l'argument se tient. Mais dans la pratique quotidienne, cette logique transforme peu à peu un geste ancestral, ressemer une partie de sa propre récolte, en acte administratif surveillé, parfois taxé, et selon les cas fortement découragé par des contraintes techniques ou économiques. La frontière entre protection légitime de l'innovation et verrouillage progressif du vivant devient alors bien plus floue qu'on ne le pense au départ. Comment le piège se referme sur certains agriculteurs ? Le piège ne se referme pas brutalement du jour au lendemain. Il s'installe par étapes, souvent sans qu'on s'en rende compte immédiatement. Au départ, tout paraît rationnel. L'agriculteur choisit une variété pour son excellent rendement, sa résistance aux maladies, sa régularité dans la production, ou sa bonne adaptation à son sol et à son climat. Le choix semble parfaitement logique, presque évident. Puis viennent les réalités du terrain, les coûts qui reviennent tous les ans, les obligations techniques spécifiques à suivre, la dépendance croissante à un catalogue semencier limité, et parfois tout simplement l'habitude d'acheter chaque année des semences présentées comme toujours un peu plus performantes. Dans le cas des fameuses variétés hybrides, le ministère l'explique très bien, les graines produites à la seconde génération ne sont pas du tout stériles, contrairement à certains mythes. Mais elles donnent souvent une récolte beaucoup plus hétérogène, avec des plantes de taille et de rendement très variables. Sur le plan agronomique, ce choix devient donc moins intéressant, moins prévisible, et parfois même risqué financièrement. En clair, personne n'interdit toujours biologiquement de ressemer ses propres graines. Mais le système technique et économique rend ce choix de moins en moins attractif, de moins en moins rentable, et parfois même de moins en moins praticable au quotidien. À ce stade, l'agriculteur risque de perdre deux choses essentielles en même temps, sa marge bénéficiaire qui fond comme neige au soleil, et son autonomie de décision sur sa propre exploitation. Plus il dépend d'intrants achetés, de semences certifiées, de redevances ou de contrats semenciers, plus il devient vulnérable aux hausses de prix brutales, aux conditions contractuelles défavorables, aux choix stratégiques des grands semenciers et aux multiples crises qui frappent l'agriculture. Ce mécanisme subtil apparaît dans de nombreux travaux critiques sur les semences, notamment chez le réseau Semences Paysannes ou dans les analyses détaillées d'INFOGM qui décortiquent les brevets et leurs impacts concrets sur le terrain. Bien sûr, tous les agriculteurs ne vivent pas ce piège exactement de la même façon. Certains savent rester dans des variétés libres, d'autres ont les moyens de diversifier leurs approvisionnements. Mais pour ceux qui manquent déjà cruellement de trésorerie, chaque nouvelle campagne agricole devient plus risquée, plus incertaine, plus dépendante des aléas du marché mondial des semences. Et ce glissement produit un effet encore plus profond, plus insidieux. L'agriculteur ne choisit plus vraiment librement ce qu'il décide de cultiver année après année. Il finit par cultiver ce que le système rend techniquement possible, financièrement rentable, ou simplement toléré par les règles en vigueur. C'est discret dans un premier temps, presque invisible au quotidien. Mais profondément redoutable à long terme. On ne lui dit pas toujours directement, tu n'as plus le droit de faire ça. On organise plutôt tout le décor économique et réglementaire pour qu'il n'ait plus vraiment envie, plus vraiment intérêt, ni même la marge de manœuvre nécessaire pour faire autrement. C'est exactement à ce moment-là que le mot piège prend tout son sens et toute sa force. Pourquoi les consommateurs sont aussi directement concernés? À première vue, ce débat sur les semences peut sembler réservé uniquement aux champs, aux tracteurs et aux exploitations agricoles. Pourtant, il touche directement votre assiette, celle de vos enfants, et celle de toute la société. Quand l'agriculture française et mondiale se concentre massivement sur quelques variétés standardisées, toutes calibrées pour un rendement maximal, une conservation longue dans les entrepôts, un transport longue distance sans casse, ou une transformation industrielle parfaite, alors la diversité cultivée recule forcément. Le débat dépasse donc largement les simples droits des agriculteurs. Il concerne directement la qualité nutritionnelle des aliments, la résilience des cultures face aux maladies et aux changements climatiques, et la place qui reste accordée aux variétés anciennes, locales, ou simplement différentes qui ont fait leurs preuves depuis des siècles. Le ministère insiste sur la performance agronomique et environnementale des variétés certifiées. Mais d'autres acteurs, associations et chercheurs rappellent que la diversité semencière constitue une question absolument centrale pour l'avenir de notre sécurité alimentaire à long terme. Il existe aussi un prix caché dans cette dépendance croissante. Si les producteurs paient chaque année plus cher leurs semences, leurs traitements associés, leurs redevances obligatoires ou leurs intrants liés à certains modèles agricoles intensifs, alors cette pression économique remonte inévitablement dans toute la chaîne alimentaire. Et quand les plus petites exploitations familiales s'effacent progressivement du marché, faute de pouvoir suivre financièrement, alors le secteur se concentre entre les mains de moins d'acteurs, de moins en moins nombreux mais toujours plus puissants. Le consommateur se retrouve alors face à une offre agricole plus uniforme, parfois plus fragile face aux crises, et pas toujours meilleur d'un point de vue nutritionnel ou environnemental. Le débat des graines ne parle donc absolument pas seulement d'agriculture technique. Il parle aussi de souveraineté alimentaire, de qualité réelle des produits, et de la manière dont une société entière choisit ce qu'elle accepte de laisser pousser dans ses terres. L'histoire cachée derrière cette évolution. Pour vraiment saisir toute la profondeur de ce dossier, il faut revenir plusieurs décennies en arrière, à l'après-Seconde Guerre mondiale. En France comme dans beaucoup de pays, les États ont lancé une modernisation massive de l'agriculture. L'objectif affichait clairement, produire beaucoup plus, beaucoup plus vite, beaucoup plus régulièrement pour nourrir une population en explosion et reconstruire des économies dévastées. Cette logique productiviste a naturellement favorisé la sélection variétale industrielle, les catalogues officiels de semences certifiées, les normes strictes de qualité et la structuration rapide d'un secteur semencier devenu puissant et structuré. Le ministère rappelle d'ailleurs que cette politique publique a accompagné toute la transformation profonde de l'agriculture française depuis 1945. Ce cadre réglementaire n'est donc pas né d'un simple caprice administratif ou d'une décision brutale. Il s'inscrit dans une histoire longue, directement liée au productivisme d'État, à l'industrialisation accélérée du monde rural et à la grande promesse de progrès technique pour tous. Mais cette histoire ne s'arrête pas du tout là. Avec les décennies, la question centrale de la semence a lentement basculé. Elle n'est plus seulement « comment produire plus ?» Elle est devenue « qui crée les nouvelles variétés ?» Qui les protège légalement ? Qui perçoit les redevances et les royalties ? Qui décide quelle variété entre dans le catalogue officiel, quelle variété circule librement et quelle variété disparaît définitivement des champs ? Pour creuser cette dimension historique essentielle, les archives parlementaires françaises apportent des éléments précieux, comme les débats animés au Sénat sur la redevance des semences de ferme ou les discussions à l'Assemblée nationale sur l'avenir des semences paysannes. Mais certains ouvrages critiques sont devenus de véritables références pour comprendre les enjeux de fond. Je pense notamment à Seed Monopoly de Jacques-Ralph Kloppenburg qui décortique la privatisation mondiale des semences, ou à The Violence of a Green Revolution de Vandana Shiva qui raconte comment la « révolution verte » a transformé les paysans du Sud en clients captifs des multinationales semencières. Ces lectures montrent que la bataille autour des graines ne date absolument pas d'hier. Elle dure depuis des décennies. Et au-delà du simple conflit technique ou réglementaire, elle raconte avant tout une lutte acharnée autour du contrôle du vivant lui-même, de la base même de notre alimentation. Et après ? Cette histoire de graines ouvre une porte, mais elle n'épuise pas du tout le sujet. La suite logique consiste à remonter beaucoup plus haut dans la chaîne de pouvoir, qui détient réellement l'agriculture mondiale aujourd'hui ? Comment ces acteurs ont-ils pris le contrôle progressif de ce secteur vital ? Quelles ont été les fusions industrielles, les politiques publiques, les rapports de force qui ont remodelé complètement le monde paysan depuis un siècle ? Derrière la question apparemment simple du droit de ressemer ses propres graines, on découvre un système infiniment plus complexe où s'entremêlent innovations techniques, dépendances économiques, intérêts commerciaux, droits de propriété intellectuelle et même mémoire historique des luttes paysannes. Quand un geste aussi ancien, aussi naturel que conserver quelques graines de sa récolte devient un sujet de loi, de redevances, de contrats et de contrôle juridique, alors peut-être que ça mérite qu'on s'y arrête vraiment un instant. Qu'on prenne le temps d'y réfléchir sérieusement. Et qu'on se pose la question de ce qu'on veut vraiment pour l'agriculture de demain, pour la terre, et pour ce qui finit dans nos assiettes tous les jours.